à la belle ou belle Haïti, c'est parti. Pour moi t'as parti un jour. Pour ta vraie valeur, ta vraie richesse ou bien. Haïti, mon bon boy, Haïti, moi pas que dois oublier ou. Belle femme créole moi, m'a donné en pierre ou. Haïti, Haïti, j'ai belle femme créole moi, m'a donné en pierre ou. Haïti, chéri moi, yon jour m'a retourné. Haïti, maman, yo, j'en prends ton air.